Bienvenue, vous êtes sur le podcast du Webzine Révolution et Liberté. Nous faisons ce 7e épisode à travers une petite page d'actualité. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qui avait rougi du stalinien. Nous allons traiter en trois points les événements marquants de notre webzine. Tout d'abord, nous allons parler de la newsletter, ensuite du magazine, et pour terminer, l'association Les Amis de Révolution et Liberté. Plus de hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain. Claqué dans nos mains la mitraillette. Faut dire que les syndicats bordels nous pourchassaient dans les ruelles, rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Pour le numéro 5 de notre newsletter du 5 au 11 avril, nous avons choisi pour éditorial pour une gauche spartakiste. Ainsi, dans le premier article de notre newsletter qui s'intitule « La transformation de la lutte des classes », nous avons choisi de nous inspirer de Rosa Luxembourg à travers son livre « Réforme sociale ou révolution » de 1898. Nous en avons extrait deux citations et toutefois, nous les avons mis en page d'une certaine manière qui tend à différencier les autres newsletters. Ainsi, la citation dit « Les moyens d'adaptation les plus efficaces de l'économie capitaliste sont l'institution du crédit, l'amélioration des moyens de communication et les organisations patronales. » Un peu plus loin. La plus grande conquête de la lutte de classe prolétarienne au cours de son développement a été la découverte que la réalisation du socialisme trouve un appui dans les fondements économiques de la société capitaliste. Jusque-là, le socialisme était un idéal, l'objet de rêves millénaires de l'humanité. Il est devenu une nécessité historique. Ensuite, nous nous sommes inspirés du manifeste du Parti communiste allemand de 1818, appelé « Que veut la Ligue spartakiste ?» Ainsi, je cite « La lutte pour le socialisme est la guerre civile la plus fantastique que l'histoire du monde ait jamais connue, et la révolution prolétarienne doit se doter des moyens nécessaires. Elle doit apprendre à les utiliser pour lutter et vaincre. » Un peu plus loin, il y dit « Il n'y a pas de démocratie lorsque l'esclave salarié siège à côté du capitaliste, le prolétaire à côté du junker, dans une égalité fallacieuse pour débattre de concerts parlementaires, de leurs problèmes vitaux. Mais lorsque la masse des millions de prolétaires empoigne de ses mains cailleuses la totalité du pouvoir d'État, tel le dieu Thor brandissant son marteau pour l'abattre sur la tête des classes dominantes, alors seulement existe une démocratie qui ne soit pas une duperie. » Ensuite, nous revenons sur un podcast que nous avons découvert sur la toile, qui se nomme Audionomie et qui a été créé en avril 2020 par Jérôme Spielmann. Dans la thématique autonomie, écologie, antifascisme. Plus loin, nous parlons en deux points de la nécessité de combattre l'obscurantisme. Dans un premier article, nous parlons de la lepenisation des esprits. Après, nous traitons de la science face à la preuve du coronavirus. Salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas longtemps qui belle. fera le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle, pour que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête. Macnovilla et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie, la mitraillette. On en filera même à Bono pour qu'il revienne dans son auto trancher des têtes. Et l'on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier. À coups de mitraillette. En ce qui concerne le premier numéro de notre magazine du webzine de Révolution et Liberté, nous pensons qu'il existe un débat concernant le fait de savoir si le magazine ne serait pas finalement une newsletter hors série. En effet, il s'inscrit dans le cadre d'une version trimestrielle d'une vingtaine de pages qui pourrait permettre d'aboutir à certaines notions que nous ne pouvons pas faire dans le cadre d'une newsletter en raison du manque du nombre de pages. Mais aussi, nous reviendrons dans de prochains épisodes sur la question d'une diffusion papier ou pas. Ensuite, il est vrai que nous nous inscrivons dans une logique du rationalisme. Et maintenant, nous allons traiter du sujet de l'association Les Amis de Révolution et Liberté. Du Moyen-Âge, l'ont arboré sur main d'étroit, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'ombre au combat préparé, osez, osez le défier. Notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Et donc, concrètement, nous allons nous orienter vers une autre dynamique au sein de notre association. Et c'est vrai que l'association Les Amis de Révolution et Liberté, elle a été déposée en préfecture et nous avons un récépissé. Et de ce fait, nous attendons actuellement la publication au journal officiel des associations et des formations d'entreprises afin de pouvoir continuer concrètement notre projet et être totalement indépendant financièrement. Mais aussi, cela constitue, entre autres, une vision plus large que nous avons fait ces derniers jours. Et du coup, nous entrons dans une logique plus constructive et nous allons pouvoir posséder de différents moyens pour lever des fonds. Parce que, comme vous le savez, nous travaillons sur un magazine qui ferait 28 pages, dont le thème c'est lire Marx et Darwin. Or, nous voulons absolument passer par une version papier. Et du coup, l'association Les Amis de Révolution et Liberté va nous permettre, entre autres, de pouvoir accéder à un financement via du crowdfunding. Et du coup, cela s'inscrit dans une logique qui est également de démocratie interne au niveau de notre magazine. Ainsi, il va continuer à progresser et croître. Et nous remercions au niveau de l'équipe les personnes qui sont intéressées de participer par ce projet, puisque les différents outils qui sont mis à disposition des personnes qui souhaitent s'investir dans le projet Révolution et Liberté sont déjà en ligne. Et maintenant, il ne reste plus qu'à contribuer à travers des différentes corrections, des apports théoriques, mais aussi on va continuer à progresser sur le logiciel Scribus, parce qu'en effet, actuellement, nous avons du mal avec ce logiciel. Et du coup, il faudrait tout de même que, dans le cadre de notre fondation, de l'association, que nous rendons hommage à la librairie Publico qui a accepté de recevoir notre siège. Et cela va nous permettre aussi de travailler, pourquoi pas, avec la Fédération anarchiste concernant nos différents podcasts et pourquoi pas avec Radio Libertaire, même si nous sommes ancrés dans une logique luxembourgiste. Nous défendons tout de même de façon générale la question de la liberté, vu que notre projet s'appelle Révolution et Liberté. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité générale concernant le confinement après une petite pause musicale. À tout de suite. Mais plantés sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est donc lui au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe Donc, concrètement, concernant l'actualité qui paraît très brûlante, nous avons la crise sanitaire qui se poursuit et malgré les différents efforts, elle s'inscrit dans une logique assez durable. Et de ce fait, cela se traduit entre autres par une logique abstraite, on va dire. De certains de refuser, entre autres, de se faire vacciner. Et c'est le moment aussi que l'on a chez Révolution et Liberté de tendre à affirmer notre soutien au mouvement pour la vaccination. Et nous encourageons les personnes qui veulent se faire vacciner d'y aller si c'est possible. Mais aussi, nous constatons également une montée en croissance du mouvement anti-vax. Et ce mouvement anti-vax, il est vraiment très dangereux, puisque actuellement, des personnes défendent des thèses eugénistes sans qu'ils en soient pleinement conscientes, et que ces thèses eugénistes, pardon, sont finalement l'aboutissement d'un raisonnement issu du darwinisme. Alors, c'est vrai que notre magazine s'appellera Lire Marx et Darwin, mais il faut savoir que l'eugénisme s'inscrit dans une logique finale, dans la vision particulière concernant la sélection naturelle. Et cette sélection naturelle, elle pose plusieurs points. En effet, il semble tout à fait cohérent de souligner que finalement, la sélection naturelle a balayé en premier temps les personnes âgées, maintenant elle balaye des personnes un peu plus jeunes. Or, le fait de considérer que les simples anticorps de notre organisme permettrait de combattre la maladie à elle toute seule, c'est se réfugier derrière une logique particulièrement obscurantiste. Alors, il ne suffit pas d'être simplement sceptique dans la vie de tous les jours, mais il s'agit aussi de voir les différentes études scientifiques qui démontrent l'efficacité des différents vaccins mis en place. Alors, c'est vrai qu'il peut exister des effets secondaires, on ne doutera pas là-dessus. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il est plus profitable d'avoir quelques effets secondaires concernant la vision de la maladie et du fait qu'il s'agit tout de même d'une maladie mortelle, hein, parce que nous avons quand même quasiment dépassé les 100 000 morts en France. Donc, il semble qu'il faille être responsable et agir aussi avec une détermination claire et objective. Ensuite, concernant les différentes mesures de restriction de liberté, alors il faut en appeler à la science. La science permet entre autres d'élever le niveau du débat, et ce débat, il se traduit par des mesures toujours plus strictes et c'est des mesures que l'on espère temporaires. Or, les différents mouvements comme Rien faut Covid ou des mouvements contre la vaccination, finalement, ils n'ont pas compris l'objectif final. Parce que l'objectif final, il s'inscrit tout de même dans une volonté d'élargir nos libertés, de revenir un peu comme on vivait avant. Alors, vous allez me dire, oui, mais avant, on ne pourra pas revenir comme c'était réellement. C'est vrai qu'il y aura une évolution concrète par rapport à la vision qui était développée. Et de ce fait, cette vision-là, elle poussera notamment, comme nous le disions dans un autre podcast concernant la dette publique, la vision, elle se traduira par une source de joie, une source de bonheur, une source intérieure que l'on retrouvera. Et donc, de cette source, il s'avérera que l'on ira tout droit vers une autre vie. Nous allons finalement revivre, nous allons pouvoir reprofiter de nos libertés individuelles et de nos droits fondamentaux, et que cette expérience du coronavirus finalement ne sera qu'une simple mauvaise histoire au sein de notre propre existence. Donc on va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Sur le podcast de Révolution et Liberté. Donc au niveau des articles, nous avons rédigé récemment un article sur la Funky Family, notamment la chanson La Légende, extrait de l'album Art de Rue. Cet album avait déclenché un sacré soubresaut dans la France des années 2000, puisque cet album a exactement une vingtaine, 20 ans quasiment, j'allais dire une vingtaine d'années, non, c'est 20 ans quasiment. Et cela se traduit par une vision sociologique de la société telle qu'elle était construite il y a 20 ans. Et la critique que Sade nous fait, entre autres, de la société actuelle, c'est-à-dire les violences policières, le chômage, les descentes, et tout cela comme la déconnexion des élus vis-à-vis de ce que vivent réellement les classes populaires. Ben, cela nous a quand même fait tilter dans nos oreilles. Déjà que la chanson était bonne, mais les textes sont vraiment engagés. Et cela se traduit, entre autres, par une autre vision que l'on a du hip-hop, quoi. Ce n'est pas le rap actuel tel qu'on le comprend, mais plutôt une musique engagée, militant, et qui s'inscrit aussi dans un certain matérialisme. En effet, lorsque Sat nous raconte son album, sa vie au quotidien, alors on est quand même un peu surpris, quoi. On n'est pas dans une vision totalement obscurantiste, comme on peut le voir sur certains réseaux sociaux, quoi. Ainsi, il y a aussi une critique des élus. Alors, pour la chanson, bah, j'en avais fait un extrait en ce qui concerne la commune de Paris. Et de ce fait, il me semble nécessaire de vous donner deux strophes avant qu'on s'écoute intégralement la musique. La légende de la Funky Family. Les deux strophes disent, ils disent nous représenter, mais connaissent quoi de notre existence? Sont-ils déjà venus dans nos rues pour voir ce qu'il se passe? Et là, cela représente très bien le caractère de la démocratie. On va dire parlementaire, et de ces grosses failles, c'est que ce n'est pas une démocratie ouvrière, c'est une démocratie tenue par la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, elle a tendance justement à faire des lois qui ne vont pas dans le sens du prolétariat, mais plutôt dans le sens que l'on pourrait transcrire clairement d'une vision plus subtile. La bourgeoisie fait des lois pour la bourgeoisie. Et les élus au sein du Parlement ne pourront pas vraiment bénéficier de moyens de pression sur d'autres élus. Ainsi, la démocratie bourgeoise, elle ne représente pas vraiment l'ensemble de la population. Et du coup, maintenant, ben, on va s'écouter la légende, parce qu'il faut vraiment que vous l'écoutiez pour redonner un peu de sens à la notion de lutte des classes, à la notion d'un hip-hop militant. Mais aussi, on aurait pu parler d'autres artistes, hein, mais là, c'est vraiment le coup de cœur que l'on a de redécouvrir un album 20 ans après. Et de savoir que, il n'a pris aucune ride. Allez, je vous dis à tout de suite. Mais ces connards au défi de vivre ce qu'on a et leurs connasses de venir voir ce qui se passe. Le bateau coule, c'est nos rames contre leur fouet. Fuck la misère, le maire, le préfet de police et le commissaire. Mais connaissent-toi de nos existences? Sont-ils déjà venus dans nos rues histoire de voir ce qui se passe? Moi seul, je te représente plus que ton député, tes sénateurs, ministres, autres fils de. C'est sinistre, on ne demande pas la lune, mais des logis décents. L'État nous répond par quoi? Des flics qui abusent du pouvoir lors des décennies. descendre. On demande pas grand chose des emplois, l'État nous répond avec quoi? Nous envoie quoi de CRS, des convois? Faut-il qu'on les pleure quand ils meurent avec bravoure? Qu'on tire un trait sur les nôtres, parti suite à leur bavure? Pensait-il aux conditions de vie en prison avant qu'un docteur me donne l'alerte? Quand il fait des suicides et des lettres, je stresse mon doigt le troisième face à leur système. Si tu te sens, fais sans de même, l'État récolte ce qu'ils sèment. Me demande pas de voter, je reste politiquement incorrect. Je compte que sur moi pour vivre, du moins pour être. Je suis pas un poète, qui sait où je serai dans 10 ans? Peut-être à l'abri ou dans leur cellule de prison, à traîner dans ces mêmes rues, devant ces mêmes bâtiments, attendant d'être frappé de la grâce de Dieu ou de son châtiment. Je prends parti pour les miens, mais j'ai rien d'un prophète, d'un messie, rien d'un voyou comme Spadjari ou Meskin. Je suis pas un mesquin, j'ai qu'on rappe comme exutoire. La rage en moi est contre celui qui a le pouvoir exécutoire. Je les mets au défi de vivre un jour ce qu'on a, au défi de venir sentir et voir ce qui se passe en bas, au défi de venir vivre ce qu'on vient en lui et place. Parce que la question également du progrès et de la lutte des classes s'inscrit dans l'écologie et en particulier sur la question de notre mode de consommation. Ainsi, je voudrais accorder dans cet épisode, qui sera peut-être un peu plus court que d'habitude, la question fondamentale de Pâques et de la cause animale. Donc on a rédigé deux articles concernant Pâques au sein de notre webzine. Et cela se traduit entre autres par une logique substantielle de démontrer qu'il existe un problème de fond, puisque la cause animale est devenue ces derniers temps, disons-le clairement, une variante pour les différents partis politiques qui souhaitent engranger un potentiel électoral supplémentaire. Et du coup, la question de Pâques et notamment de l'abattage des veaux mérite tout de même que l'on s'intéresse à l'ensemble de la cause animale et particulièrement au domaine le plus radical qui s'avère être l'abolitionnisme total de consommation de produits d'origine animale. Et dans ce contexte, il semble clair que l'écologie telle qu'il est construit doit nous amener à repenser notre mode alimentaire, mais aussi de se construire sur une vision plus large et plus fondamentale qu'il peut exister au sein de notre capacité à raisonner. Ainsi, le fait que certains écologistes continuent à consommer de la viande et du fromage, et malheureusement c'est mon cas, ne peuvent se dire vraiment écologistes, quoi, puisque, comme vous le savez, l'une des plus grosses pollutions au sein de notre planète provient entre autres de l'élevage intensif, et que cet élevage industriel tend vers un nouveau modèle qui consiste à ramener des prix toujours plus bas. Et dans le même temps, on est face aussi à des organisations syndicales qui pratiquent le corporatisme. Et ce corporatisme, il va dans l'intérêt fondamental du patronat agricole, et les petits agriculteurs sont mis de côté. Alors c'est vrai que qu'on aurait tendance à se dire que la position abolitionniste serait une position totalement idéale dans une société où tout le monde serait vegan et que l'antispécisme aurait finalement réussi à mettre son grain de sable dans l'ensemble du rouage de la matrice carniste. Et par ailleurs, il convient de souligner que jamais au sein de notre population, le courant animaliste n'avait été aussi puissant et aussi fort. Et cela permet de créer une certaine division très profonde entre, d'un côté, les militants animalistes et de l'autre, les éleveurs qui sont là pour produire de la marchandise hein, afin de générer des profits, puisque ce sont des entrepreneurs après tout. Et cela se traduit entre autres par une vision assez catastrophique. Puisque les agriculteurs et les éleveurs sont soutenus entre autres par le gouvernement. Et le gouvernement, il a tendance à parler régulièrement du terme d'agribashing. Alors, le procès de l'agribashing s'inscrit dans une logique qui permet à ce gouvernement, mais aussi à ses prédécesseurs, d'empêcher toute critique fondamentale de l'élevage, et notamment du fait de l'élevage intensif. En effet, la transformation que les éleveurs réalisent afin de créer des produits de meilleure qualité, ne se fait pas, et du coup, la position du bien-être animal tend vraiment à être déconsidérée comme telle. Le welfarisme, qui s'avère être la social-démocratie du mouvement animaliste, c'est-à-dire parler de bien-être pour négocier finalement le poids des chaînes ou encore la longueur de la lame du couteau qui va égorger l'animal. Et cela aboutit aussi sur un point fondamental que les parlementaires n'osent pas mettre en avant, c'est que les animaux sont des individus. Ils ont leur propre caractère, ils ont leur propre vision. Et cela se traduit nettement moins qu'avant par une sorte d'argumentation subtile pour la partie majoritaire qui défend le modèle ambiant. Du coup, la question fondamentale qui réside dans le fait, est-ce que l'on doit absolument modifier finalement la longueur de la lame de couteau qui tranche les différentes veines et artères de l'animal lorsqu'il est mis à mort? Ou est-ce que l'on dit tout simplement, finalement, au lieu de pratiquer ces exécutions barbares, on s'inscrit dans une logique plus claire et plus nette qui consiste à affirmer que la position abolitionniste est une position plus crédible et se maintient nettement dans une logique où il y a une vision clair et net de la vision de la lutte antispéciste. Ainsi, il ne faut pas prendre en considération les différentes critiques qui sont faites par les carnistes, hein, parce qu'il existe une bataille du web. Et cette bataille du web, justement, elle a pour ambition de créer surtout une projection divisant le monde en deux. Alors, c'est vrai qu'il y a d'un côté les carnistes hein, qui se vantent de manger de la viande et qui sont des viandards, et de l'autre, il y aurait les véganes qui seraient des radicaux, des extrémistes, des fondamentalistes, des fanatiques. Et tout l'ensemble du corpus sémantique pourrait être utilisé. Parce qu'il se pose la question de la liberté de choix. Et cette liberté de choix, elle se manifeste entre autres par l'idée que l'être humain, ou plutôt l'individu qui choisit de consommer de la viande, sous quelque nature qu'elle soit, finalement, cela permet de créer une vision délétère, quoi. Parce que la sentience, comme nous l'avions évoqué, s'inscrit dans une vision où l'animal a des cellules nerveuses et ces cellules nerveuses Bah justement, elles répondent par rapport à des stimuli. Et du coup, on va faire une petite pause pour terminer notre émission sur la thématique de la cause animale. Podcast hein, qui continue sa route. Donc le podcast parle maintenant de la cause animale, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à l'occasion de Pâques, la question de l'Holocauste, dans le sens de réaliser des sacrifices d'animal pour un dieu, soulève quand même de nombreuses questions parce que il y a de nombreuses on va dire personnes qui critiquent d'autres religions monothéistes, mais le christianisme réalise tout de même son propre holocauste en référence à l'agneau de Dieu, et cela soulève de nombreuses problématiques. Et ces problématiques, notamment, s'inscrivent dans un registre où il y a une vision, que l'on pourrait caractériser de totalement inerte, parce que d'un côté, il y a la théorie du burger. Et qu'est-ce que c'est que cette théorie du burger, vous allez me dire? Ben, la théorie du burger, justement, s'inscrit dans une pratique qui consisterait à créer au sein de la population une frange qui posséderait des animaux de compagnie, mais qui, d'un côté, les câlinerait, les câlogerait, les ferait en sorte de tout faire pour qu'ils aillent le mieux possible. Et dans le même temps, ils mangent d'autres animaux qui s'avèrent être des individus. Alors, nous sommes dans une logique abstraite, et cette logique abstraite, elle s'inscrit dans une tradition qu'on pourrait appeler rance, parce que la tradition suit cette logique inerte et fondamentale. Donc, nous avons continué cet épisode qui a été monté vraiment un peu à l'arrache, on pourrait le dire comme ça. Et du coup, on se retrouvera dans les prochains jours pour parler d'un sujet entier concernant la cause animale. Et peut-être aussi continuer de faire des brèves d'actualité ou différents formats. Nous allons y réfléchir. Voilà, donc c'était Pierre Lebecq pour le podcast de Révolution et Liberté. Et je vous souhaite une agréable semaine malgré un confinement un peu plus dur. Et surtout de garder le moral et ne pas hésiter à faire des retours de ce podcast en envoyant un mail à révolutionetliberté@gmail.com ou d'envoyer directement un mail par le contact de la page Facebook ou par Twitter ou autre. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite.